cloche a sonné. Tout le monde à la ligne. Chic chaud, c'est l'atterrissage. Chéri boiti o motema, yegeyo, chéri boiti o mapazoro, sangora yo, natuna nana di mama, chéri boiti e, o baby siga motema, e paida zali, bakari si moyete, motema se kokuje mama, posa kakara bona yo, sala pepe ni nana, ah mama o, oh, oh. Chéri boiti o motema, yo chéri boiti o mapazo, sangora yo, natuna nana ni mama, chéri boiti e, o baby singa motema, ye paina zali, makeri si moyete motema se kokuje mama, posa kakara bona yo, sala pepe ni nana, ah mama o, oh, oh. Chéri, boiti na kora la na korota mama Na koseba na koseba ye mote mananga Na kotuna ye mabaso nanga Chéri, boiti ye na ti mote ma mama Chéri, boiti ye na ti mabaso mama Mama, chéri, boiti yo mote mama yo, chéri, boiti yo mabaso Sangola yo, natuna nana ni mama Chéri boitie, o baby singa motema E paina zali, makari si moyete Motema seko bouje mama Posa kakara mona yo, sala pepe ni nana Ala mama o oh, o oh. Boiti motema o Espoir nangai, kakaye Motema, yo, chéri, boiti, yo, ma banzo, sangola yo, natuna nana ni mama, chéri, boiti, yo, baby singa, motema, ye paina zali, makari si moyete, motema seko bouje mama, posa kakara mona yo, zala pepe ni nana, ala mama yo, oh, oh. Stara nini sabe po na balaga ye Oh mama ye Kona zangi pa mwaye po na balaga ye Oh papa ye Oh kana luka parion ye ko patro na kaya mosala Oh nyango oh Kalo kambongo na bala boati mama Oh nyango oh Oh kira kamosolo na bala boati mama Oh nyango oh Ah ah mama Chéri boati yo motema Yo, chéri, boiti, yo, papa, zoro, sangola yo, natuna nana ni papa, chéri, boiti, ye, mon baby singa, motema, ye panazali, makali si moyete, motema seko bouge, mama, posa kakara mona yo, sala pepe ni nanga, ah, mama, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la jacula, je le cas. La porte noire, je n'ai pas désiré ça. C'est le général Guagula, Pierre Cascotte Bille, Zeto Zeti, Mohamed. Le trombonneur, le trombonnet, c'était là, et là,